de base, je comptais surtout souligner des choses par rapport au comité de mobilisation, mais je me permets quand même de répondre à une partie de son intervention sur le fait qu'il fallait éventuellement de s'intégrer aux manifestations sous prétexte que les syndicats marchent derrière. Il y a un truc à savoir, c'est que les lycéens, ça marche vite, les étudiants, ça marche vite. Donc effectivement, si on a un cortège de tête, on se retrouve toujours devant. Et des fois, il faut faire des pauses pour attendre les syndicats. Mais par contre, si on commence à leur reprocher en Assemblée Générale, sans aller les voir, pour leur poser des problématiques, du coup, on va sûrement juste jouer la carte de la division. On va se retrouver tout seul. Et s'enfermer sur un campus, c'est jamais une bonne idée si tu veux faire grossir ta mobilisation. Là, on est en train de se battre pour les représentants syndicats, ils le font. On est en train de se battre pour l'université. Il y a les syndicats profs qui le font. Si on laisse tomber les syndicats, on laisse tomber tous les syndicats, et du coup, c'est absolument pas la bonne carte à jouer si on veut faire grossir le mouvement. Bon, du coup, sur le comité de mobilisation, je trouve que là, l'Assemblée Générale, du fait qu'on soit nombreux, il y a de bonnes perspectives qui sont exposées, plus que dans les précédentes, sachant qu'on est plus nombreux qu'avant. Là, ça peut paraître légitime de le faire, et je trouve l'intervention de Mathias tout à fait pertinente sur ce que doit être un comité de mobilisation. Par contre, je tenais à avertir quand même sur certaines choses qui se sont faites dans d'anciennes tentatives de comité de mobilisation. C'est par exemple un groupe Messenger, ça permet pas d'avoir une structuration du comité de mob qui permette d'aller vers une organisation des assemblées générales, vers une organisation des manifestations, parce que ça pose des débats que le comité de mob n'est pas censé avoir, parce que c'est censé être un outil de l'Assemblée générale pour faire appliquer les décisions de celle-ci. Donc, je propose que pour le comité de mobilisation, comme Nolwenn l'a dit, il faille qu'il y ait des représentants de plusieurs départements, et je pense que 10 personnes, effectivement, c'est largement suffisant. Et du coup, pour que ça puisse être efficace, se faire vraiment, parce que sur les dernières assemblées générales, ça avait été tenté. Malheureusement, ça s'est toujours voté à la fin et on se retrouvait à 30, donc si on demande du volontaire, ça fait quand même un tiers de l'assemblée. Là, je propose qu'il y ait 10 volontaires qui se présentent tout de suite, de plusieurs départements, si vous pensez que c'est utile que vous soyez dans le comité de mob, parce que vous pouvez parler à vos promos, parce que vous pouvez amener des gens autour de vous à discuter autour d'eux aussi, pour pouvoir ramener du monde dans l'assemblée générale et faire grossir le mouvement. Je vous invite à vous proposer tout de suite. Donc, s'il peut y avoir 10 mains qui se lèvent maintenant, je pense que c'est pertinent et qu'on vote ça maintenant. Comme ça, ce sera fait et on sera sûr d'avoir un comité de mobilisation structuré pour avoir une assemblée générale 3 fois plus grande la semaine prochaine.